dans ma disco pop. Dans ma disco pop. J'suis dans ma disco pop. J'suis dans ma disco pop. Ma disco pop. Je voulais faire bouger sans réverb, sans effet, sans rien, mais je suis trop accro. J'ai présenté CVLM, puis j'ai vu se refermer le rideau. Je suis dans ma disco pop, dans ma disco pop, dans ma zone de confort, écran total en fort. Lumière bleue aura été mon matador, maintenir un cap. Quitte à avoir tort. J'suis dans ma disco pop. Dans ma disco pop. J'suis dans ma disco pop. J'suis dans ma disco pop. Ma disco pop. Pa pa pa pa. Microclimat. Adieu aux idées larges. Tout en résolution basse. Quitterons-nous un jour l'interface. Sur ma plus belle disque face. Le désir intact. Mais shooté dans les pattes. L'origami me teint pour protéger ma carcasse.